RPL Radio. The book. club votre after du samedi matin. les replays sur le www.fréquenceclub.com. RPL, c'est la base, mec. La première heure de Fréquence Club s'achève. J'espère qu'elle vous aura été très agréable. Vous retrouverez le podcast sur le site de la radio RPL. Restez calés, allez vous chercher un café, un thé. On va enchaîner. We'll be right back. vous n'allez plus jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.